Lévitique chapitre 10. Or les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et ayant mis du feu, ils mirent dessus du parfum, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, c'est ce dont l'Éternel avait parlé, en disant, je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en la présence de tout le peuple, et Aaron se tut. Et Moïse appela Misaël et Eltsaphan les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères de devant le sanctuaire hors du camp. Alors ils s'approchèrent, et les emportèrent avec leurs chemises hors du camp, comme Moïse en avait parlé. Puis Moïse dit à Aaron, et à Éléazar et à Ithamar ses fils, ne découvrez point vos têtes, et ne déchirez point vos vêtements, et vous ne mourrez point, et l'Éternel ne se mettra point en colère contre toute l'assemblée, mais que vos frères, toute la maison d'Israël, pleurent à cause de l'embrasement que l'Éternel a fait. Et ne sortez point de l'entrée du tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous, et ils firent selon la parole de Moïse. Et l'Éternel parla à Aaron, en disant, vous ne boirez point de vin ni de cervoise, toi, ni tes fils avec toi, quand vous entrerez au tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges. Afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint ou profane, entre ce qui est souillé ou net, et afin que vous enseigniez aux enfants d'Israël, toutes les ordonnances que l'Éternel, leur aura prononcées par le moyen de Moïse. Puis Moïse parla à Aaron, et à Éléazar et à Ithamar ses fils, qui étaient demeurés de reste. Prenez, leur dit-il, l'offrande du gâteau qui est demeuré de reste des offrandes de l'Éternel faites par feu, et la mangez en pinçant le vin auprès de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint, parce que c'est la portion qui est assignée à toi, et à tes fils, des offrandes faites par feu à l'Éternel, car il m'a été ainsi commandé. Vous mangerez aussi la poitrine de tournoiement, et l'épaule d'élévation dans un lieu pur, toi, tes fils, et tes filles avec toi, car ces choses-là t'ont été données des sacrifices de prospérité des enfants d'Israël, pour ta portion, et pour celle de tes enfants. Ils apporteront l'épaule d'élévation, et la poitrine de tournoiement, avec les offrandes faites par feu, qui sont les graisses pour les faire tourner en offrande tournoyée devant l'Éternel, et cela t'appartiendra et à tes fils avec toi par une ordonnance perpétuelle, comme l'Éternel l'a commandé. Or Moïse cherchait soigneusement le bouc de l'offrande pour le péché, mais voici il avait été brûlé, et Moïse se mit en grande colère contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui étaient demeurés de reste, et leur dit, pourquoi n'avez-vous point mangé l'offrande pour le péché dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. Vu qu'elle vous a été donnée pour porter l'iniquité de l'assemblée, afin de faire propitiation pour eux devant l'Éternel. Voici, son sang n'a point été porté dans le sanctuaire, ne manquez donc plus à la manger dans le lieu saint, comme je l'avais commandé. Alors Aaron répondit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur offrande pour le péché, et leur holocauste devant l'Éternel, et ces choses-ci me sont arrivées. Si j'eusse mangé aujourd'hui l'offrande pour le péché, cela eût-il plu à l'Éternel? Ce que Moïse ayant entendu, il l'a